Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième émission de Random. Random, le magazine de la, contre-culture hacker, du bidouillage, des libertés numériques et de la société de l'information. Donc tout de suite, on retrouve une équipe qui commence tout doucement à s'agrandir, avec DB. Oui, bonsoir. Et avec Monsieur Piaf. Bonsoir. Et moi, à la technique. À la technique, Little Charlie, du coup, hein, faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc au sommaire de cette émission, on va commencer naturellement par les actualités. On va parler surtout donc du raid en Suède, du Climategate, un peu du BSA et bien sûr, faire un petit résumé du meeting de 1600 qui s'est passé ici à Lille. Donc, voilà. Ensuite, on fera un petit développement sur des amis à nous. Les NTech qui sont passés dans le 20 minutes récemment. Et on parlera un peu de greenwashing. De greenwashing, oui, tout à fait. On va arriver là-dessus. Et sur le sujet plutôt technique, on va surtout se concentrer sur le reality hacking. Alors, qu'est-ce que c'est le reality hacking? Ça sera dans la dernière partie de l'émission. Donc voilà. Bon, on va enchaîner sur les actualités. Donc, l'une des actualités les plus marquantes de la semaine, des deux semaines, c'est le raid sur le hackerspace suédois. Donc, DB, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Donc, c'était donc le samedi 28 novembre à 20h45, donc un hackerspace à Malmö, en Suède. Alors, je ne prononcerai pas le nom du hackerspace parce que le truc fait à peu près 28 consonnes. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'un hackerspace? On en reparlera par la suite, peut-être avec les copains du Templab ou d'autres hackerspace parisiens. Faudrait qu'on organise ça un soir. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, vous pouvez venir à Lille quand vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qu'un hackerspace? C'est un local avec des hackers et du matériel, globalement. L'idée, c'est de faire du travail collaboratif, du travail collaboratif sur des projets, intéressants, aussi bien en électronique qu'en réseau, qu'en informatique, qu'en tout ce qu'on peut vouloir faire comme bidouillage. Et donc là à Malmö en Suède, ils ont un hackerspace qui est situé dans un centre social. Et donc il y a entre autres un hackerspace dedans. Il y avait aussi donc ce soir-là un concert punk. Il y avait un concert punk qui était organisé avec une quarantaine de personnes au moment du raid policier. Et une quarantaine de personnes dans le public apparemment. Et la police est donc entrée, apparemment plus ou moins en force quand même, en nombre en tout cas. Et ils ont délogé tout le monde et ils sont entrés en fait parce qu'ils suspicionnaient donc de la vente d'alcool illégale. Faut savoir qu'en Scandinavie on rigole pas avec l'alcool. Hein. Ils ont de l'excellente vodka, mais c'est aussi un pays dans lequel on n'a pas le droit de boire. Enfin, c'est 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Eux c'est 0. Pour pouvoir conduire. Et donc la police est entrée, ils ont fait sortir tout le monde à 20h45 un samedi soir dans un centre social où il y avait un concert punk. Et donc ils ont fait sortir tout le monde, ils sont restés 6 heures, ils sont entrés dans le hackerspace, ils ont pris tout le matos. C'est quand même le deuxième hackerspace en Suède à se faire virer, avoir des ennuis avec la police en l'espace de 2 mois. Le premier, c'était un hackerspace dans un squat qui s'est fait purement et simplement déloger de là. Hein, le hackerspace, a priori, a fermé. Et donc, ils sont rentrés donc, pour une raison complètement anodine qui était la vente d'alcool. Bon, et puis en fait, au final, comme ils ont trouvé du matériel pour créer des clés, du lock picking, c'est-à-dire du crochetage de serrures, donc tout un tas de matos pour étudier un petit peu le fonctionnement des serrures, et ils ont qualifié ça en, je sais plus, c'était banditisme ou un truc comme ça, donc pour préparer les activités illégales, tout ça. Alors que les mecs, en fait, voulaient simplement faire un atelier sur le fonctionnement des serrures. Et donc c'est le deuxième hackerspace à se faire avoir des ennuis en Suède en l'espace de 2 mois. Ça montre un petit peu l'ambiance qu'il y a autour d'un petit peu des libertés numériques en Suède en ce moment, donc avec le parti pirate, le Pirate Bay, etc. Et donc il y a un durcissement en fait qui se sent quand même concrètement dans la vie des personnes impliquées. Donc au niveau des autres news, il y avait aussi dans les news bien réjouissantes, les petites manœuvres du BSA en Angleterre pour récupérer des... une pratique vraiment tout à fait louable. Donc, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez dénoncer votre patron qui utilise des logiciels pirates, des logiciels contrefaits. Alors ça, c'est excellent. En fait, donc c'est un article du Monde qui date du 2 décembre, donc tout récent. Donc, je résiste pas à vous lire le premier. Paragraphe de l'article parce qu'il est vraiment excellent. Donc vous travaillez à Londres, votre entreprise utilise des logiciels piratés, et bien, dénoncez votre patron, vous pourrez gagner jusqu'à 20 000 livres sterling, soit 22 000 euros. Cette étrange campagne est mise en place par la Business Software Alliance, donc BSA, le principal syndicat d'éditeurs de logiciels qui rassemble tous les poids lourds du secteur, dont Microsoft et Apple. Donc voilà, il y avait déjà délation.gouv.fr en France. Là maintenant, on peut dénoncer son patron si vous fait utiliser des logiciels piratés. Voilà à quoi quand même on en est rendu. Voilà aussi quelles sont les pratiques en fait des personnes qu'on soutient quand on utilise Windows ou d'autres logiciels non libres et même Apple, n'est-ce pas? C'était une petite pique pour Mister Pierre. Je ne me sens pas visé du tout. Tant qu'on parle de produits qui pourraient être un peu écolo, on va un peu dériver sur le climate gate. Je reviendrai sur Apple et pourquoi c'est pas écolo. Mais bon voilà. Le climate gate, c'est quoi en fait? Donc tout a démarré entre des échanges de mails du CRU, le Climate Research Unit, qui est en gros le groupe de scientifiques qui bossent pour le GIEC, les experts pour le climat. Et donc il y a eu toute une polémique qui s'est pas mal développée dans les pays étrangers, mais dont on n'entend pas trop parler en France, sur une partie de chiffres truqués sur le réchauffement climatique. Donc que ça soit valide ou non, qu'on soit pour ou contre la thèse du réchauffement climatique, il y a quand même là un manque de transparence flagrant qui a été révélé par une fuite de mail. Donc on retrouve encore une fois Wikileaks qui est donc un site web où on retrouve pratiquement tous les documents compromettants. On a retrouvé le manuel de torture de Guantanamo, on a retrouvé des documents du gouvernement chinois sur certaines politiques. Donc c'est un site assez alimenté par les dissidents politiques et certains journalistes d'investigation. Pour être sûr que le document, on ne puisse pas mettre la main dessus, pour qu'il reste visible aux yeux de tous et qu'on ne puisse pas censurer le document. Et donc voilà. Dans les autres news, dans les autres news, il y a un petit truc rigolo sur toujours pour faire plaisir à nos petits copains de la Adopi, de la future Adopi. Alors attends. Safari, c'est pas la fête quand même. Hein. Attends, je l'ai paumé en fait le truc, c'est génial. Random émission ultra aléatoire. C'était juste pour dire qu'en fait, un article du Monde du même jour, donc du 2 décembre, il y avait donc la plus forte progression des mots recherchés sur Google France dans l'année 2009, c'est Allo Streaming. Donc un site de téléchargement illégal en streaming, donc c'est-à-dire en diffusion directe en fait. Le site n'est pas forcément illégal, c'est l'usage qui est illégal, puisque le site est neutre, vu qu'il héberge du contenu que des personnes mettent à disposition sur ce site, mais c'est pas lui le producteur de contenu. Donc c'est les usages. C'est les personnes qui ont un usage illégal, mais pas forcément le site. Oui, c'est ça. Le site en lui-même est clean. Simplement, comme il est collaboratif et qu'on peut y mettre des trucs et qu'ils n'ont pas forcément le temps de contrôler tout ce qui rentre, c'est exactement comme YouTube en fait. Sauf que là, c'est vraiment un site spécialisé sur. C'est vraiment un site qui est très utilisé par les personnes qui mettent des contenus illégaux quand même, enfin illégaux, sous licence, et dont la diffusion est donc illégale. Et donc, c'est à peu près tout. Il nous reste encore à traiter le résumé du meeting 2600 Lille de vendredi soir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce meeting 2600? Bon, rien, on a bien rigolé. Voilà, donc, meeting 2600. Alors, qu'est-ce que c'est que le meeting 2600, déjà? C'est un meeting informel qui a lieu une fois par mois, chaque premier vendredi du mois, dans plein de villes du monde, qui existe depuis le milieu des années 80, à peu près, pour les premiers meetings américains. Le meeting français le plus ancien, c'est le meeting de Paris qui existe depuis la fin de la première moitié des années 90. Et donc, c'est un peu un des points de fixation les plus importants du milieu hacker, et historiquement l'un des piliers du mouvement hacker mondial. Et il y en a un à Lille donc depuis janvier 2007. Et donc pour ce dernier meeting, meeting en date, nous étions 6 personnes en tout. Et donc le rendez-vous à Lille a lieu donc chaque premier vendredi du mois à 19h30 sur la Grand Place de Lille. Et on discute un petit peu technique, on discute un petit peu de l'actualité, on discute un petit peu de tout et de rien. Là, on a pas mal discuté exploration urbaine. On a pas mal discuté de quoi d'autre que ce qu'on a parlé. Une fois qu'il était parti, en fait, on est parti sur un petit sujet sympa. C'était en fait le brouillage satellite. Où on était en train de s'apercevoir qu'apparemment, une station au sol aurait la possibilité de brouiller pas mal de trafic. Donc on a continué comme ça pendant un bon trois quarts d'heure. Et en faisant des recherches, en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, ça avait déjà été fait. Et qu'il y avait donc déjà des sources de brouillage terrestre qui avaient réussi à faire sauter du trafic officiel. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, Et puis, on est allé manger un kebab. Et puis, on est allé boire une bière. Et puis, on a discuté de choses intéressantes. Je me souviens plus bien, du coup. Là, je suis un peu pris à court. On a parlé un peu de bidouillage électronique et d'autres trucs comme ça. Puis on a pas mal beaucoup parlé de la préparation de l'émission. Donc voilà. Je crois qu'on va mettre un peu de musique. Oui, oui. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 MHz. Et donc vous pouvez toujours nous appeler au 0320 91 24 00. Et il y a toujours. Là, on a remis le silk depuis la dernière fois. Hein, parce que... Ah oui, France Télécom m'a pas encore coupé ma ligne cette semaine. Donc. Il y a un réseau SIL qui est un site web qui marche encore, lille.dg-c.org/random. Bon, à tout de suite. Nothing to his name but a code and a dream. Looking for the legendary inland sea where the water was deep and clean and free. But the town he found had suffered a blow. Fish were dying cause the water was low. Fat catfish named a Diamond Dolls plugged the stream with copyright laws. He said, my water's good and my water's free, so Ponderosa, you're gonna thank me. Then he bottled it up and he labeled it mine. They opened and poured, but they ran out of time. So Puff made a brand and he tanned his hide. Said, this is the mark of too much pride. Tied to a horse, set the tail on fire. Slapped her on the ass and the water went higher. Ponderosa Puff wouldn't take no guff. Water ought to be clean and free. So he fought the fight and he set things right with his open PSD. Well, things were good for a spell in town, but then one day dang water turned brown. Coming to the rescue, Mayor Reed, he said, this here filter's all y'all need. But it didn't take long for the filter plugged, full of mud and crud and bugs. Bull said, gotta be a gooder way. Mayor said, hell no, she's okay. The water's fine on the open range, and he passed a law that it couldn't change. No freeze, no boil, no frolicking young. Puff took him aside, said, this is wrong. And then he found the mayor was adding the crud, so he took him down in a cloud of blood. He said mayor's learned he's done been mean, so they did it right and the water went clean. That Ponderosa Puff wouldn't take no guff. Water ought to be clean and free. So he fought the fight and he set things right with his open PSD. So so once again, it was right but then the lake went dry, she was gone again. Fish started flipping and flopping about, yelling, "Mercy, pup, it's a doggone drought." So he rolled up gold till he hit the lake of Apache fish, they was on the take. They'd built a dam that was made of rules. Now pup was pissed and he lost his cool. "I'm sick and tired of these gall darn words and laws and bureaucratic nerds. You're full of beans and killing my town, and if yous all don't shut her down, well I'll hang a licking on every one of you sons of bitch and greedy scum." So he blew the dam and let her haul, 'cause water ought to be free for all. That water rose above, wouldn't take no dove. Water ought to be clean and free. So he fought the fight and he set things right with his open BSD. With his open BSD. That's right. Random, l'émission préférée des NTech. Et voilà, de retour sur l'antenne de Random avec un aperçu des jingles qu'on est en train de préparer. Bon, là c'était un jingle un peu ironique, sur des amis qu'on aime bien. Donc voilà, les NTech qui sont passés dans le 20 minutes de Lille. Donc c'était jeudi ou vendredi, je sais plus. C'était le 30 novembre, alors le 30 novembre, donc je sais plus, je crois que c'était mercredi. Et donc voilà, et donc Alors, que dire là-dessus ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les NTEC ? Donc, les NTEC, donc, pour nouvelles technologies, c'est une section de gendarmerie créée. C'est un ensemble de brigades de gendarmerie créées par Michel Alliomari, ministre de la Défense à l'époque, dans le but de lutter contre la cybercriminalité, voyez-vous. Et donc, côté gendarmerie. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, parmi leurs missions, en fait, quand ils perquisitionnent pas chez moi pour aucun motif valable. Je crois que ça sera un sujet qu'on traitera un peu plus tard dans une autre émission. Oui, les missions exactes des services qui luttent contre la cybercriminalité. Et donc les NTEC, sur l'île, il y a une brigade dans le nord à Lille et une à Arras. Donc des gendarmes et tout. Et alors dans leur mission, eh bien il y a la mission de faire peur à la population pour leur expliquer que Internet, attention, voyez-vous, il y a des choses qui choquent la bonne morale chrétienne et catholique de notre beau pays. Et il y a notamment des méchants hackers qui passent leur temps à détruire les ordinateurs des autres, à voler les données. Ouais, les méchants créateurs de virus. Parce qu'on vit dans un monde bisounours où quand même, globalement, Internet, c'est le repère des pédonazis et des... Bon, on a beau leur rappeler ce que c'est qu'un hacker, leur sortir les RFC, comme la RFC 1983, où il y a la définition qui est dedans, sortir les articles de Wikipédia ou les bouquins d'informatique qui parlent un peu d'histoire de l'informatique... Ouais, on espère qu'à force de le dire et de le répéter, ça rentrera. M'étonnerait vu les personnes à qui on a affaire quand même. Et donc dans la gendarmerie nous parle donc dans le 20 minutes, dans l'édition locale de lilloise du 20 minutes du 30 novembre 2009, où on a quand même des petites perles. On en a sélectionné deux. C'est une interview assez courte en fait, où il y a quand même deux petites perles. Donc ça parle en fait donc de la sensibilisation des chefs d'établissement scolaire de la région à la thématique de la sécurité de l'information sur Internet. On note quand même le sécurité de l'information. C'est pas un terme tout à fait neutre. Et donc avec des super questions du type l'éducation nationale connaît-elle aussi ses problèmes et tout et tout. On voit bien le journalisme d'investigation s'exprimer à plein dans cette interview. Et on note cette petite phrase en fait, l'éducation nationale connaît-elle ses problèmes ? Donc il y a une petite réponse et tout et tout. Et la dernière phrase de la réponse à cette question, c'est, je cite, « Le mois dernier, le site de l'académie a été victime d'une tentative de hacking ». Et alors, ce qu'il y a d'excellent, en fait, là-dedans, c'est qu'on réduit systématiquement et de manière comme ça très affirmative le hacking au simple piratage informatique. À la simple intrusion. À la simple intrusion, comme s'il n'y avait rien d'autre, comme si, en fait, les hackers étaient uniquement des individus gênants et méchants et qu'il faut absolument briser pour que notre société bisounours puisse continuer à fonctionner. Et donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on souhaite faire, à savoir en fait casser cet amalgame hacker égale pirate et pirate égale hacker. Et donc forcément c'est le type de discours qui ne peut pas aller. Parce qu'il est complètement en dehors de la réalité. Il est complètement faux du point de vue étymologique. Hein. Hacker, ça veut dire bidouilleur. Il prête au mouvement hacker des intentions qu'il n'a pas forcément. Il réduit complètement le hacker à un individu nuisible. Et en fait, on voit bien tout l'intérêt qu'il y a dans cette, tout l'intérêt qu'a l'État et le bras armé de l'État à faire fonctionner cet amalgame, qui est un amalgame sécuritaire, où le but du jeu est de faire peur. Et alors, dans la logique de faire peur, on continue et on va encore plus loin. Alors, que peuvent faire les chefs d'établissement contre ces intrusions ? Je cite, « Nous insistons pour qu'ils portent plainte systématiquement à chaque intrusion, même s'il n'y a aucun préjudice. Si un jour, au lieu d'une page de phishing, c'est une page à caractère pornographique qui se retrouve sur le site, trois points de suspension. » Alors, une page de phishing, c'est-à-dire en gros, le site d'un établissement scolaire se fait pirater, il y a une page pour mettre du spam ou pour monter une arnaque quelconque qui se retrouve hébergée sur le site web de l'établissement scolaire en question. Et donc voilà, donc c'est une menace pour le réseau, bon, on peut comprendre, hein, c'est effectivement mal, mais en fait, bon, bah, du coup, on voit bien en fait que ce type de problématique vient pas vraiment du milieu hacker, c'est juste simplement des personnes qui piratent des sites à l'appel et qui dans le but derrière de monter des arnaques. Ça n'a rien à voir avec la contre-culture hacker. Mais bon, passons. Et donc on note bien Alors, imaginez, hein, parce que bon, à la limite, voilà, les sites de phishing, bon, c'est pas grave, c'est une menace connue, etc. En éduquant les gens, on arrive à faire en sorte qu'ils ne se fassent plus avoir dans ce type d'arnaque. Mais alors imaginez, hein, si jamais un jour il y en a un, il met une page porno à la place du site web de l'établissement scolaire, alors là, imaginez qu'est-ce que ce sera, quoi. C'est vraiment comme si la pornographie était la pire chose qu'on puisse imaginer sur Terre, comme si la pornographie c'était mal. C'est un espèce de repoussoir. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils ne parlent pas en fait de pédophilie carrément. Bah ça c'est l'habitude, hein, c'est vraiment le Godwin, le Godwin, le point Godwin spécial internet aussi, le Godwin de la sexualité. Donc là, bon, une page à caractère pornographique, si ça se trouve ça a été coupé par le journaliste qui a compris pornographique au lieu de pédopornographique. Et donc voilà, donc la police nous parle, la gendarmerie nous parle, et voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit globalement que Internet, c'est le territoire, Internet, c'est le territoire des méchants hackers pirates. Et il faut faire attention à bien toujours porter plainte quand il y a des problèmes, parce que si on porte pas plainte, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, et notamment à la pornographie. Voilà, donc c'est pas tout à fait notre vision des choses. Nous rappelons en fait que notre vision des choses, c'est la liberté de circulation de l'information. L'information doit circuler de manière libre. Nous nous opposons à toute tentative de censure et nous défendons les valeurs de la neutralité des réseaux informatiques. Et c'est à ce titre en fait que ce type de discours sécuritaire ne nous plaît pas. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de cet internet là. Voilà. Donc j'ai profité de réparer une erreur que j'ai fait. J'ai oublié de désannoncer donc la musique qu'on a passée à la première pause. C'était donc, il y avait la chanson d'OpenBSD 3.6, c'est ça ? Tout à fait, 3.6. Donc on retrouve sur le CD d'installation de OpenBSD 3.6. Et le deuxième morceau, donc c'était 8-bit Headbangers. Voilà. Donc c'est les deux morceaux de musique libre qu'on retrouvera donc sur le site lille.dg-sc.org /random. Donc voilà. Donc j'ai passé au donc deuxième sujet qu'on développe un peu, le greenwashing. Greenwashing qui est assez à la mode, notamment à Lille où il y a une nouvelle boutique qui vient de s'ouvrir. Je ne vais pas préciser malheureusement le titre de la boutique, mais ça sonne bien green. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le greenwashing ? Le greenwashing, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop tout ce qui est développement durable, etc., c'est la branche développement durable de l'informatique. C'est pas la branche développement durable de l'informatique, c'est le fait de vouloir faire passer pour des outils de développement durable, pour des outils durables, des outils qui ne le sont pas. Donc, par exemple, une tentative de greenwashing, c'était pour notamment donc il y a Apple qui avait sorti il y a pas longtemps, ça a commencé à dater un peu. Donc qui avait sorti un ordinateur portable qu'il a intitulé le MacBook le moins polluant, le portable le moins polluant d'Apple. Donc on avait l'impression que c'était vraiment l'ordinateur le moins polluant. C'était un ordinateur un peu moins polluant que ceux d'Apple, mais il faut savoir quand même que donc des organisations ont analysé les ordinateurs de différents constructeurs. Les ordinateurs Apple étaient souvent ceux qui comportaient le plus de produits polluants. Donc là, avec cet ordinateur-là qui respecte les normes européennes au niveau des produits polluants, on a un ordinateur qui est moins polluant, mais on nous le présente comme un truc qui est vraiment éthique, durable, et donc voilà. Et donc là, on a une boutique qui vient d'ouvrir donc sur l'île, qui se veut vendre des produits informatiques durables. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur son site? On retrouve donc une map, une image, une map donc sans contenu alternatif. Qui vend en fait des stickers à mettre sur les ordinateurs avec des fleurs, des motifs de bois, mais tout sauf du matériel, par exemple, qui consommerait moins ou avec moins de produits polluants, pas de soudure au plomb. Voilà. Donc souvent, là, les actualités sur le Green IT, il faut bien creuser parce que parfois, c'est quand même un peu... C'est un peu de la désinformation. Et surtout que le Green IT, c'est un sujet qui est vraiment loin d'être facile à cerner. Par exemple, quand on a un équipement critique, comme un switch ou... Un serveur. Ou un serveur, on peut vouloir peut-être mettre, par exemple, des soudures au plomb qui vont durer plus longtemps que des soudures classiques. Tous les matériaux informatiques sont assemblés par des machines, donc c'est pas directement les personnes qui vont souder, mais le fait d'avoir des soudures au plomb en fait pose moins de problèmes, le matériel a moins de chances de tomber en panne. Donc pour des équipements critiques, ça vaut parfois plus le coup quand le matériel fonctionne en permanence d'avoir un matériel qui tombe moins en panne, donc on va moins jeter de matériel. Donc voilà. Bon, le Green IT, c'est qu'une seule chose dans le développement durable au niveau informatique. Il y a aussi l'accessibilité, la pérennité du système informatique, le fait que l'utilisateur puisse se l'approprier. Donc faut vraiment se méfier de... Le fait de ne pas avoir des systèmes informatiques qui réclament énormément de ressources matérielles, qui vont donc faire souffrir plus facilement le matériel qui va devoir être remplacé plus souvent, voire même un système qui ne fonctionne pas sur un ordinateur un peu ancien, etc., etc. Il y a toute une dimension comme ça à voir aussi. Du côté logiciel, bon, du côté matériel, les soudures au plomb. Et autres billevesées du genre. Je pense que sur ces sujets de développement, on va vous laisser sur une petite pause musicale. Donc vous pouvez toujours nous joindre sur le 0320 91 24 00. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM. A tout de suite. Thank you. revolution. Things fail, you say conspiration. Things hate, you say it's possible. Things are, you say incredible. Things dream, you say revolution. Things let your dreams. Things fail, you say conspiration. Things let your play. Things hate, you say it's possible. Things let your hate. Things are, you say incredible. Things let you say. Random, l'émission des hackers qui sortent de leurs bunkers. Ouais, voilà. Donc là, c'était un deuxième jingle, mais pas monté. Donc, ce qui explique le blanc de 2 secondes avant le jingle. Donc voilà, donc, pour les musiques qu'on a passées, il y avait Xmas Myth, donc le mythe de Noël, donc de Mr. Electric Demon. Qui avait d'ailleurs fait un concert sur l'île il y a un an ou deux. Et donc, juste avant, si je ne me trompe pas, donc c'était Matt Mix avec le titre Simulation. Donc, voilà. Donc là, on va passer sur un sujet un peu plus technique, un peu plus développé, le reality hacking. Alors, c'est quoi le reality hacking ? Bah oui, donc qu'est-ce que c'est que le reality hacking? Et puis on va demander déjà la première question, ça va être de savoir un petit peu qui est notre intervenant de ce soir. Donc je t'en prie, présente-toi. Donc bah moi c'est Monsieur Piaf, j'habite la région lilloise. Je suis explorateur depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et ça fait à peu près 8 mois que j'ai redécouvert la communauté sur internet et que donc là je recommence un petit peu à faire d'exploration un peu plus poussé, on va dire. Donc là, j'ai fondé aussi un groupe spécifique d'explorateurs et d'exploratrices. D'accord, donc là on a parlé en fait de on a parlé de reality hacking, le vrai nom on va dire c'est l'exploration urbaine. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Donc l'exploration urbaine, si vous regardez sur Google, vous allez tomber sur le terme anglicisé urbex, donc urban exploration. C'est en fait très très proche du hacking tel qu'on entend en version numérique. C'est-à-dire que dans le monde informatique, on a des interfaces, des sites internet avec des boutons, des menus, des identifiants qui nous bloquent ou qui nous dirigent vers ce que les créateurs veulent nous faire voir ou veulent nous cacher. Donc le hacker, lui, dans un but de curiosité, soit il va rechercher les failles, il va aller un peu plus loin, il va se renseigner sur ce qu'il y a derrière, il va faire le tour du serveur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver le point le plus faible pour exploiter cette faille, et une fois à l'intérieur, il va explorer, il va regarder, chercher les informations, et en ressortir surtout en laissant le moins de traces possible. Dans l'exploration urbaine, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans les rues, on est bloqué par toutes sortes d'interfaces matérielles, donc par exemple les rues, les trottoirs, les panneaux, des serrures, des contrôles d'accès, qui nous empêchent de voir certaines choses. L'idée, en fait, c'est que le non-explorateur, par exemple, va voir un panneau qui sera indiqué « chantier interdit au public ». L'explorateur, lui, déjà, le réflexe qu'il va avoir, c'est de dire « Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient intéressantes ?» Donc il va aussi en faire le tour, il va essayer de trouver le point le plus faible, par exemple une palissade qui est plus basse qu'ailleurs, ou une grille qui est un peu trop large, ou un grillage distendu, et il va aller, il va rentrer dedans, il va en faire le tour, il va explorer, il va prendre des photos, et il va en ressortir encore une fois, j'insiste, sans laisser de traces. D'accord, et donc au sein du mouvement Urbex, j'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir, il y a probablement en fait des choses un peu... Des points de vue un peu différents, des choses un peu différentes à voir et à appréhender, des façons de voir différentes. Il y a des passions différentes en fait et des disciplines différentes. C'est-à-dire que l'urbex, c'est un terme assez généraliste, mais on peut voir trois grandes façons de faire. Donc, il y a d'abord les cataphiles. Donc, les cataphiles sont les plus célèbres, sont les Parisiens. Donc, eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils se baladent dans les anciennes carrières qui étaient sous Paris. Puisque la ville a eu besoin de matières premières, donc ils se sont mis à creuser pour créer des bâtiments en surface. Et quand, par exemple, il y a l'inspection générale des carrières qui arrive pour vérifier qu'il n'y a pas d'éboulement ou des choses comme ça, ça leur arrive, par exemple, de bloquer les passages. Les cataphiles parisiens, la plupart du temps, ils arrivent là et ils réouvrent, ils se créent des chatières, des trous. Une fois qu'ils ont réussi, donc du coup, à étendre leur réseau, ils peuvent, par exemple, passer d'une carrière à une galerie technique, aller jusqu'à d'une galerie technique à un réseau de métro, voie ferrée, de là arriver encore jusqu'à des passages pour par exemple tout ce qui est fluide et liquide, les alimentations électriques. Tout ça en fait c'est sous Paris et les cataphiles arrivent à passer facilement de l'un à l'autre. Donc c'est quasiment en fait sous Paris une mini-ville. On a des bars clandestins, on a des cinémas, on a des lieux de réunion. Il y a une vie complète en fait en cataphilie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les cataphiles, ils tirent leur nom du fait que les carrières, à un moment, elle a été utilisée pour stocker les ossements des Parisiens. Ça, c'est une petite surface, c'est un centième, et c'est la partie que même n'importe qui peut visiter au niveau de Paris. Et du coup, les cataphiles, ils piquent leur nom de ça, en fait, des catacombes, au lieu de vraiment s'appeler des carrières au fil. Mais bon, là, c'est juste une petite partie du site. On a aussi une autre catégorie, sont les toiturophiles. Donc là, on parlait tout à l'heure des personnes qui sont en bas, en sous-sol. Là, c'est celles qui passent leur temps à escalader les toits, à visiter. Donc c'est des toits de résistance, des toits de bâtiments publics. L'idée là, c'est d'avoir une notion de calme, de solitude, de voir un petit peu les choses d'une façon différente. Jusque là, on a un point de vue assez haut sur la ville. On a des panoramas qui sont assez sympas aussi. Et très souvent, c'est accompagné de photographies. Et la dernière discipline aussi, mais bon, ça c'est plus un outil qu'une discipline ou qu'une passion, c'est l'infiltration. Donc là, c'est l'utilisation de techniques façon James Bond 007 pour arriver dans un lieu qui est encore en partie en activité. Donc soit il y a une partie physique qui est en activité et l'autre à côté est complètement abandonnée, soit tout est en activité mais qu'une certaine période de la journée. Donc là, par exemple, au niveau de l'infiltration, on va décider d'y aller le soir, en pleine nuit, quand il n'y a plus personne, voire même quand les gardiens sont en train de dormir. Pour faire de l'infiltration, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir quand même des compétences. C'est quelque chose qu'on fait vraiment sur la fin. Donc par exemple, savoir ouvrir des serrures sans les casser, désactiver les alarmes, c'est assez vicieux. On peut passer aussi sans se faire voir des caméras ou des agents de sécurité, en sachant qu'il y a une énorme quantité de spots déjà visibles qui ne sont pas en activité. Vraiment, si vous voulez faire de l'infiltration, c'est ça sur la fin. Il y a déjà des centaines de milliers d'endroits possibles où vous pouvez faire de l'urbex. Et bon, mais c'est vrai que pour certains, avoir la petite boule au ventre quand on commence à s'infiltrer dans un lieu en activité, c'est assez motivant. Ok, voilà, tu parles de spots, tu parles de donc des lieux. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on peut espérer pouvoir visiter ne serait-ce que déjà quand on connaît rien et qu'on voudrait pouvoir commencer? En fait, pratiquement tous les lieux sont possibles. Donc il y a plein de raisons pour qu'un propriétaire s'arrête de les entretenir. Très souvent, c'est une raison financière. Alors à noter que bon, même si c'est dommage pour les personnes qui travaillaient à l'époque, c'est beaucoup plus intéressant quand il y a eu une faillite rapide ou un patron voyou. Parce que du jour au lendemain, l'entreprise ou le lieu ferme et c'est comme si il y avait une alerte atomique et on disait aux employés sortez et laissez tout sur place dans l'état. Donc quand vous arrivez à ce genre d'endroit, déjà c'est vraiment du luxe et c'est assez sympa de voir tout ce qui s'est passé. On a l'impression que le lendemain, tout le monde va revenir bosser. Alors, tu peux être un peu plus précis sur des lieux, des choses que tu aurais pu visiter ou des choses un peu plus concrètes, un peu plus intéressantes. Par exemple ici dans la région du Nord, c'est surtout tout ce qui est friche industrielle, donc Nord et Belgique. Donc en rapport avec les industries qu'il y avait ici à l'époque, donc par exemple l'industrie des tissus, vous aviez des filatures, des lainières, tout ce qui est en rapport avec les métaux, des mines, des coqueries, des aciéries, des forges, des lavoirs à charbon. Tout ce qui tient aussi à l'agriculture et les dérivés, par exemple les moulins, des brasseries, en fait toutes les usines alimentaires. On a aussi pas mal tout ce qui est dans l'énergie, donc des centrales électriques, c'est visitable. Donc centrales au gaz, au charbon, au fioul. J'ai pas encore fait la version nucléaire, même si je sais qu'il y a des amis qui sont allés carrément à Pripyat. De nuit ? Non, pas de nuit. Pas de nuit, donc ils sont allés voir la centrale de Tchernobyl. On a aussi tout ce qui est industrie chimique. Là, par contre, il faut faire particulièrement attention parce que ce sont des ils l'ont fait avec des protections ou pour la centrale La protection, ça a été ni plus ni moins que le badge et voir à peu près quelle dose de radiation ils avaient reçue. Et puis éviter effectivement les zones au centre effectivement de l'explosion qu'il y a eu. Bon, je sais qu'il y a eu une personne en fait qui habite Pripyat, donc c'est... un local qui lui fait visiter en fait la centrale à tous ceux qui veulent, donc il a dû recevoir des doses de radiation monumentales, mais il est encore sur pattes et il fait encore visiter le lieu. Donc je pense qu'y aller une fois comme ça, se faire un safari une journée, c'est tout à fait faisable, même si sur l'appareil photo ça dégomme les pellicules assez facilement. D'accord. Donc ça c'est assez sympa, tout ce qui est friche, parce que tu peux voir comment les choses ont été faites, c'est un petit peu comme l'émission comment ça marche à la télévision. Là on a carrément l'envers du décor et on visite l'usine. On a aussi tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc il y a les hôpitaux aussi, par exemple les hôpitaux généralistes. Ah, t'as des anecdotes là-dessus hein. Oui, le dernier qu'on a fait, c'était assez drôle parce que y avait les employés qui avaient signé un petit peu les murs juste avant de partir. Et je pense que les chirurgiens ont voulu faire une belle petite blague. Ils ont déposé une veste accrochée au mur qui était complètement tachée de sang. Juste pour que vous arrivez, vous êtes dans les sous-sols avec une lampe torche et d'un seul coup vous la braquez sur un mur, vous tombez sur la veste ensanglantée. Ça fait son petit effet quand même. Ouais, j'imagine, ouais. On a des hôpitaux psychiatriques aussi, des maisons de repos, des centres de soins spécialisés. Il y a aussi tout ce qui est école dans la santé. Donc là, par exemple, vous pourriez arriver sur une école vétérinaire et au détour d'une cave, toujours pareil, vous braquez la lampe dans un coin et vous tombez nez à nez avec des bocaux remplis de formol et des petites bestioles dedans qui vous font « Bonjour, on est là !» Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Il y a du résidentiel aussi, tout ce qui est les bureaux administratifs, des villages à moitié abandonnés, des écoles, des villas, des châteaux. Les châteaux, il y en a quelques-uns et sont dans un état mais juste remarquable. Vous avez 45 minutes de marche à faire en plein milieu d'une forêt, mais quand vous tombez dessus, c'est style gothique, paradis du photographe et du goth de base. On a aussi des bâtiments religieux, des églises, cathédrales, des monastères et des cryptes aussi, ça c'est assez sympa. Donc partout, tout ce qui est religieux et encore plus qu'ailleurs, c'est du respect, du respect, du respect. Et pour finir, alors là, on a le militaire aussi. Donc des forts, des prisons, des usines d'explosifs, des villages militaires, des centres d'essai. Des stations échelons aussi en Allemagne qui ont été visitées. Et donc c'est assez intéressant dans le niveau hacker. D'accord. Et donc, tu nous dis un peu... ouais, donc j'imagine, en fait, avec les militaires, bon, faut pas trop s'amuser non plus. Hein. Donc, bon, voilà. Alors, donc jusque-là, tu nous as présenté un petit peu le mouvement Urbex, etc., les lieux qu'on peut visiter. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le milieu de l'Urbex, la communauté en elle-même? En fait, la communauté, l'exploration urbaine, ça a toujours existé. Donc, jusque depuis quelques années, en fait, on a différents sites et forums. On a deux écoles. On a ceux qui continuent à garder un peu les lieux secrets et qui partagent assez difficilement. Et ceux qui, grâce à Internet et aux forums, par exemple, ils affichent clairement ce qu'ils ont fait, ils mettent les photos. Dans les deux cas, il faut s'armer de patience pour faire sa petite liste, parce qu'on ne partage pas assez facilement des endroits qu'on a trouvés si on a fait des gros efforts. Moi, personnellement, au niveau de mon groupe, ce que j'essaye, c'est de changer un peu ça. C'est que si j'ai des gens motivés, je partage beaucoup plus facilement. Donc, tu partages un peu comme ça. Est-ce qu'il y a, au niveau de la communauté, est-ce qu'il y a un code de conduite, des règles ? Alors oui, alors c'est assez paradoxal. C'est que pour une activité où le but, c'est d'enfreindre les règles, on en a quand même quelques-unes. Déjà, c'est pas de dégradation, pas de tag, pas de marquage du lieu, même s'il y en a certains, c'est un peu un concours. Et, le premier arrivé, il pose sa marque. Pas d'effraction pour rentrer, ça c'est important au niveau juridique, si on se fait prendre surtout. Ouais, voilà, justement. Alors, tu parlais de reality hacking, etc. Bon, on sait que dans le hacking, il y a des choses légales, il y a des choses pas légales. Chacun fait ses choix au niveau personnel. Et est-ce que l'exploration urbaine, c'est légal? Est-ce que, parce que tu parlais d'infiltration et tout, qu'est-ce qu'on risque? Alors, c'est pas du tout légal. Vraiment pas désiré. Alors, même s'il y a de gros risques de se faire prendre, si on respecte les règles, en fait, ça va. Il n'y a pas des grosses amendes ou des grosses peines qui tombent. Tout ce que j'ai eu, c'est un serment du propriétaire ou se retrouver au commissariat, mais rien de pire. Et parfois, il y a la chose inverse, non ? Oui, alors inverse, c'est que j'ai eu ouï dire qu'il y avait une exploration qui s'était faite sur un terrain où la police a été avertie avant le propriétaire, donc ils sont arrivés, panier à salade, tout ça. Et quand le propriétaire est venu, il a reconnu ni plus ni moins qu'un des explorateurs qui avait créé un site. Et il a dit « Ah, c'est génial ce que vous faites, j'apprécie beaucoup, non, c'est bon, vous embêtez pas ». Aller le ramener au commissariat, mais c'était un peu trop tard, quoi. Donc, ça commence vraiment à devenir connu, une vraie mode. D'accord. Et alors, de tout ça, en fait, comment on s'y prépare concrètement? Est-ce qu'il y a besoin de matériel? Est-ce qu'il y a des précautions spécifiques à prendre que tu recommanderais? Alors, c'est assez simple. Hein. Déjà, des fringues sales. De préférence qui couvrent, parce que vous auriez peut-être un besoin de passer à travers des buissons, des épineux, tout ça. Donc, des fringues assez épaisses et qui couvrent. Des grosses chaussures et des grosses semelles, des gants pour vous protéger, parce qu'il y a toujours du verre cassé par terre, 99% du temps. Une lampe torche avec des piles de rechange, vous n'aimeriez pas être dans le noir tout seul. De la bouffe, et puis pièce d'identité, téléphone portable, et matériel photo si ça vous botte, quoi. Et en quoi les précautions ? L'urbex, c'est super dangereux. Si vous faites, par exemple, dans des friches industrielles, vous avez des produits chimiques, vous avez des trous à travers les plafonds. Donc n'y allez jamais tout seul, prenez toujours ce qu'il faut pour vous protéger. Des masques, si jamais il y a des endroits qui sont bien amiantés. Et toujours, y aller avec un ami et prévenir quelqu'un de l'extérieur. D'accord, donc voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. On va juste donc citer ton site web qui est www.dustandsilicium.net. www.dust-and-silicium.net. On retrouvera de toute façon tous les liens ainsi que des liens vers d'autres forums, d'autres sites, etc., des groupes, etc., sur le site web de l'émission, donc lille.dg-sc.org/random. Et on va passer à l'agenda. Ouais. Au niveau de l'agenda, on a quelques événements. À la fin décembre, il y aura un événement d'importance international, on peut dire. International, oui, tout à fait. À Berlin, il y aura le 26 C3. Donc 26e Chaos Computer Congress. C'est Ça coûte 80 euros, sachant que il y a une navette qui va, un transport qui va être organisé depuis le Temp Lab à Paris, c'est ça? Ouais, à Vitry-sur-Seine, ouais, tout à fait. Il y a les copains du Temp Lab qui montent une expédition pour aller jusque là-bas en voiture. Donc il faut aller faire un tour sur le site www.templab.org. Pour retrouver le lien vers la page du wiki qui s'organise là-dessus. Donc pour y aller en voiture, en covoiturage. Voilà, ensuite on a quoi d'autre? Ensuite on a le traditionnel lundi des libertés numériques qui se déroule donc le 21 décembre, c'est ça? Le 21 décembre, ouais. Donc là en fait c'est un lundi des libertés numériques qui va surtout toucher aux jeux vidéo. Donc comment jouer gratuitement et en toute légalité donc aux jeux vidéo. Donc il y aura une partie sur des jeux libres qui sera organisée donc par CLX qui fait les lundis des libertés numériques. Et il y a le meeting de 1600 le 2 janvier. Le 8 janvier. Donc voilà. Il n'aura pas lieu le 1er janvier, je vous rassure, vous pourrez avoir la gueule de bois peinard. On l'organise cette fois-ci, donc de manière exceptionnelle, le deuxième vendredi du mois de janvier. Et la prochaine émission random, donc c'est dans 15 jours. Donc on sera le 6 janvier, je crois. Non ? Non, c'est le 20 décembre. La prochaine émission de Random, c'est le 20 décembre, 4 jours avant Noël. Enfin, 5 jours avant Noël. Youpi. Donc voilà. Et donc sur ce, on vous laisse donc à votre émission d'électro préférée avec Chupa Pimento. Et donc, à dans 15 jours. À dans 15 jours, bonne soirée.